Réponse numéro 9. Ces conditions sont les mêmes que celles de l'attestation « La ilaha illallah » car ces deux attestations sont liées. Source « A'lam al-Sunnah al-Manshura » de Cheikh Hafiz al-Hakami. شروطها هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله نفسها لأن هاتين الشهادتين متلازمتان المصدر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي